الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين. Donc le troisième test, c'est qu'ils font la différence entre la femme menstruée et la personne qui est en état de janab. C'est clair, la femme menstruée, elle doit attendre la fin de ses menstrues. Elle est obligée, c'est un état qu'Allah a écrit pour elle. Mais la femme ou l'homme en état de janab, ils peuvent lever cet état. S'il y a l'eau, ils peuvent lever cet état. Ils ont le choix, contrairement à la femme menstruée. Et donc, c'est pour ça que dans cette thèse-là, les savants ont fait la différence entre la femme menstruée, et ils ont dit la femme menstruée a le droit de réciter le Coran, alors que celui qui est en état de janaba n'a pas le droit de réciter le Coran, puisqu'il peut prendre une douche et juste après réciter le Coran. La femme, non. Et il se peut que ses menstrues durent, et comme a dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah dans l'Ikhtiyarat al-Fiqhiyya, il a dit si il a peur que son cœur durcisse avec le manque de récitation du Coran, il est obligé, wajib, il est obligé de réviser le Coran, il est obligé de réciter le Coran, d'accord. Donc ça c'est les trois avis. Wallah a'lam, le troisième avis c'est le plus vraisemblable, et que la femme menstruée a le droit de réciter le Coran. Elle a le droit de réciter le Coran. Il a le droit de prendre les livres de tafsir, de prendre un livre où il y a le livre d'exégèse, et il peut le Coran en français. D'accord, il a le droit de le faire. Et notez bien que Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit la femme menstruée a le droit de prendre le Coran, de le toucher, de le fêter, et de lire ce qu'il y a dedans. A le droit de prendre. Lui, il dit, il prend la vie de Daoud Zahiri rahimahullah. D'accord. Donc c'est le wallahu a'lam, le plus vraisemblable, c'est qu'il a le droit de le réciter mais sans le toucher. Wallahu a'lam. C'est l'avis d'Ibn Baz et de l'Uthaymin. Maintenant on rentre dans le hadith 74. An Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ihtajama wa salla wa lam yatawadda akhrajahu ad-Darqutni wa layyanahu. Selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est appliqué des ventouses, il a fait l'hijama pour extraire le sang de son corps et a prié sans refaire d'ablution, sans refaire ses ablutions. C'est un hadith rapporté par Darqutni et il l'a qualifié de faible. Et l'imam Darqutni, il a qualifié ce hadith de faible car dans son isnad, il y a Salih ibn Muqatil qui est faible, laysa bil qawi. Et le hijama, il consiste en quoi? Il consiste à extraire le sang du corps, le mauvais sang, à l'aide. Il y a une méthode spéciale, une méthode de ventouse, et il se fait pendant des périodes bien précises, et elle est très efficace, mais il convient. Mais elle est très efficace surtout pour ceux qui la font souvent, qui la font régulièrement. Et cette extraction de sang n'annule pas les ablutions. Et on a dit que le sang, on a parlé de ça, c'est quand on a parlé du hadith 69, que le sang n'annule pas, la sortie du sang n'annule pas les ablutions. S'il ne sort pas des autres voies, des voies autres que la voie urinaire, la voie vaginale ou la voie anale. D'accord, le sang qui sort par ces voies-là annule les ablutions. Le sang qui sort, le sang des blessures ou la rhinorrhée ou le hijama n'annule pas les ablutions. Et Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu et Hassan al-Basri rahimahullah, ils ont dit que celui qui s'applique le hijama doit seulement nettoyer l'endroit où il a extrait le sang. Et ça on la trouve dans le Bukhari chapitre 34. Où le Bukhari il a mis son chapitre, il dit celui qui considère que le wudu n'est obligatoire que de ce qui sort de la voie anale, vaginale ou urinaire. Donc on a parlé de ça, on a parlé de nawaq de wudu. Et maintenant on va rentrer dans un autre chapitre. On a terminé les actes qui annulent les ablutions et on va rentrer dans bab chapitre 7, bab adab qada al haja. Chapitre 7, conduite à suivre pour faire ses besoins. Le Très-Haut subhanahu wa ta'ala, il a dit, si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Ça c'est le verset 14 et la sourate 14, sourate Ibrahim, et le verset 34. Et parmi ces bienfaits, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous a facilité les moyens de notre subsistance, l'air, l'eau, les fruits, les bêtes, etc. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحَرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. Voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez ou en sommes-nous le cultivateur? Si nous voulions, nous le réduirons en débris et vous passeriez le temps en regret. Surat Al-Waqi'a, surat 56, et les versets 63 jusqu'à verset 65. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, que l'homme considère donc sa nourriture. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَدْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. Que l'homme considère donc sa nourriture. C'est nous qui versons l'eau abondante, puis nous fendons la terre par fissures, et y faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et herbages, pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Surat 80 et les versets de 24 à 32. Et en plus, lorsqu'on jouit de ces fruits-là, et les viandes, Allah, il a facilité la digestion de ces aliments et l'évacuation des déchets. C'est pas nous qui dirigeons notre appareil digestif, ni circulatoire, ni les autres, ni urinaires. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dirige tout ça. Et imaginons si Allah subhanahu wa ta'ala, il bloque nos voies naturelles. Dans quel état on va devenir? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Et parmi ces bienfaits religieux, c'est qu'il a prescrit des règles. Des règles, non pas, maintenant c'est ces règles religieuses, c'est que, qu'on doit suivre, c'est qu'on peut, quand on peut, quand on doit manger, on doit dire, Bismillah, et quand on termine de manger, on doit dire Alhamdulillah. Et donc ça c'est pour parfaire ses bienfaits sur nous. Quand on dit Bismillah, il nous récompense. Et quand on dit Alhamdulillah, il nous récompense. Donc il nous donne la nourriture. Il facilite la digestion de cette nourriture. Et il nous récompense en plus si on dit Bismillah, alors que rien ne nous appartient. Ça, c'est la parfaite miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a mis des règles quand on va dans les toilettes, quand on va dans le lieu où on se retire. Donc, il y a des règles à obéir. On doit toujours se rappeler de ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le musulman doit obéir à ces règles-là. De dire Bismillah avant de rentrer, d'entrer dans les toilettes et de sortir, il doit faire un dhikr bien spécial. Il ne doit pas être comme les bestiaux et les mécréants. Il rentre, peut-être il dort, regarde dans les toilettes, il ne reconnaît pas la miséricorde, les bienfaits d'Allah sur lui. Et la personne, le musulman, doit suivre comme il faut ses règles et ne dites jamais que ce sont des futilités, comme disent certaines sectes égarées. Ils considèrent que ce genre de règles, c'est des futilités, c'est ce qu'on appelle les épulsures. Ils appellent ça les épulsures. Il n'y a rien, il n'y a pas d'épulsure dans l'islam. On a entendu certains se moquer du siwak, il n'y a pas d'épulsure. Le siwak, c'est la source de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous, on cherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on met le siwak, quand on met la barbe, quand on rentre dans les toilettes, quand on sort des toilettes, on doit toujours se rappeler de la miséricorde de la bienfaisance d'Allah sur nous, et en même temps on doit toujours obéir à ces règles. Qui dit musulman, c'est soumis, muslim, soumis aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne fait pas de différence entre des choses simples et les choses qui sont à un degré élevé. Et celui qui est incapable d'obéir à ces règles, il est incapable d'obéir à ces règles alors qu'ils sont à sa portée, il peut les faire. Je crois qu'il sera incapable, à plus forte raison, de diriger une communauté ou de mener le jihad vis-à-vis-là. Ça, on est sûr. On rentre dans le hadith 77. An Anas ibn Malik, رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. Selon Anas رضي الله تعالى عنه qui disait le prophète صلى الله عليه وسلم avait l'habitude d'ôter sa bague lorsqu'il s'apprêtait à entrer dans le lieu de retrait, dans le khala, ça veut dire les toilettes. Retrait, ça veut dire il se retire des gens, il s'éloigne des gens et pour faire ses besoins. Et c'est un hadith rapporté par les quatre. Et c'est un hadith défectueux. L'auteur, rahimahullah, a dit que le hadith est défectueux. Source de ce hadith. Ce hadith est également rapporté par Al-Hakim, volume 1 et page 110, et par Al-Bayhaqi, volume 1, page 95. L'auteur, il a dit ce hadith est défectueux. Il est défectueux car il est selon Hammam, selon Ibn Jurayj, selon Zuhri, selon Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu. Et Ibn Jurayj n'a pas entendu le hadith de Zuhri. Donc la chaîne, il est selon Hammam, selon Ibn Jurayj, selon Zuhri. Selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, que le prophète, quand il avait l'habitude d'ôter sa bague lorsqu'il s'apprêtait à entrer dans le lieu de retrait. C'est que Ibn Jurayj, il n'a pas entendu le hadith de Zuhri. Donc il y a une rupture entre les deux. Il n'a pas entendu ce hadith. Et donc c'est un hadith qu'on peut juger qu'il est faible. Et Ibn al-Qayyim également, il l'a qualifié de faible. Voir Tahdhib Sunan, volume 1, page 26 jusqu'à 31. Et Ibn Hajar, bon, il l'a qualifié de faible, voir aussi Talkhis dans son autre livre, Talkhis al-Habir, volume 1, page 108. Et l'imam Abu Daoud, il a dit, Hammam s'est trompé. Donc, hadith selon Hammam, selon Ibn Jurayj, selon Zuhri. Il a dit que c'est Hammam qui s'est trompé. Hammam a dit, normalement, que le hadith selon Hammam, selon Jurayj, selon Zayd, Ibn Sa'd, selon Zuhri. Et donc, il n'a pas mentionné que Hammam, quand il a rapporté le hadith avec l'isnad, il n'a pas mentionné Zayd ibn Sa'd. Donc c'est lui qui s'est trompé, il a commis une erreur dans la chaîne des rapporteurs. Et il a dit, Abu Daoud rahimahullah, que Hammam il a oublié de mentionner l'intermédiaire entre Ibn Jurayj et Zuhri. Il a dit le hadith dans cette chaîne est continu. Il continue. Il est selon Hammam, selon Jurayj, selon Ziyad, Ibn Sa'd, selon Zuhri, selon Anas. Là, la chaîne, elle est complète. Elle est complète. Et le hadith dans lequel, il y a quoi dans ce hadith-là? Dans la chaîne, il continue. Et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mis une bague en argent, puis l'a jetée après. D'accord? Ce hadith-là, il mentionne que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis une bague, en argent, puis il l'a jetée après. Et Al-Hakim, il rapporte selon une autre chaîne que Anas a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a mis une bague dans laquelle est gravé Muhammad Rasulullah, Muhammad le messager d'Allah. Et chaque fois qu'il s'apprêtait à entrer dans le lieu de retrait pour faire ses besoins, le khala, il le laisse dehors. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a parlé de ça dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que les compagnons, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les rois n'acceptent pas de messages non cachetés, où il n'y a pas de sous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris une bague et il a gravé Muhammad Rasulullah, Muhammad en bas, puis Rasul au milieu, puis Allah au-dessus. D'accord? Et il met son tampon, et ça existe jusqu'à maintenant, des messages du prophète avec son propre cachet. Ça se trouve, je crois, en Angleterre et dans d'autres pays. Et là, dans ce hadith-là, que le prophète, il le met cette bague dehors, et puis parce que c'est mentionné Mohammed Rasulullah. Et ce hadith, il est qualifié d'authentique par le Hakim et par Tirmidhi. Voir Talkhis al-Habir, volume 1, page 108. Donc, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce hadith-là? Donc, pour ceux qui considèrent que ce hadith est authentique, ils ont dit qu'il est détestable d'entrer dans les toilettes en portant quelque chose où c'est mentionné le nom d'Allah. Ils disent, voilà la preuve, que le prophète sallam, il enlève sa bague, il la met dehors, et il entre dans le khala, dans le lieu de retraite, pour faire ses besoins. Donc il ne rentre pas avec cette bague-là. Et ça, certains savants, ils disent qu'il est détestable, makro. Et d'autres ont dit que ce n'est pas grave, comme Ibn Abbas et Ibn Sirin. Ils ont dit, s'il s'agit d'une bague où c'est marqué le nom d'Allah, ce n'est pas grave de rentrer avec quelque chose où c'est mentionné le zikr d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils disent, c'est pas grave. Mais le mieux, c'est que la personne mette cette bague dans sa poche ou dans sa poche. Mais concernant le Coran, les savants ont dit que certains savants ont dit qu'il est haram, qu'il est illicite carrément d'entrer dans les toilettes en gardant avec soi le Coran, et que la personne doit le laisser dehors, parce que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est la parole, c'est l'un de ses attributs, et il doit être respecté. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, il n'appartient pas, il a dit la yanbari, donc on peut déduire de la yanbari, on peut pas déduire qu'il a dit haram. Il dit, il n'appartient pas, la yanbari, aux musulmans d'entrer dans les toilettes en gardant avec lui le Coran, qu'il le laisse à quelqu'un jusqu'à ce qu'il sorte. Et ça, on le trouve dans Sahih Zad al-Mustaqna', le volume 1 et la page 91. Donc il faut préserver le Coran et tout ce qui comporte le nom d'Allah des lieux où on fait nos besoins. D'accord? Donc il vaut mieux préserver, surtout le Coran, on ne rentre pas avec le Coran, surtout que le lieu de retraite, c'est un endroit où se trouvent les mauvais djinns ou les alliés de Satan. Donc il faut préserver le Coran de ces endroits-là. Et tout ce qui est Rissa, les épîtres, et tout ce qui est livre, c'est marqué les versets d'Allah, il vaut mieux ne pas entrer avec. Ça, c'est la première règle. C'est l'une des règles pour faire ses besoins. Et le hadith 78, wa anhu radiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-khala'a qala allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith. On rapporte de Anas que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprête à entrer dans un lieu de retraite, Al-Khala', il dit, je demande Allah de me protéger contre Al-Khubth ou Al-Khaba'ith. Je vais traduire après. C'est un hadith rapporté par les sept. Ça veut dire les six plus l'imam Ahmed. Ça veut dire Bukhari wa Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi wa Nasa'i, wa Ibn Majah, wa l'imam Ahmed. Si on traduit ce hadith mot à mot, hadith comme il est, si on traduit ce hadith-là, on va le traduire comme suit. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre dans un lieu de retrait, Al-Khala, il dit, je te demande protection contre Al-Khubs ou Al-Khaba'is. Bon, je laisse toujours Al-Khubs ou Al-Khaba'is. Je vais le traduire. Et lorsque le Bukhari, là, c'est on traduit mot à mot, idha dakhala, lorsque le prophète sallam entre dans le lieu de retrait. Mais le Bukhari, lorsqu'il a mis ce hadith dans son sahih, il mit cette remarque, c'est que Saïd ibn Zayd rapporte que Abdul Aziz a dit, idha arada an yadkhul, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprête à entrer dans le lieu de retrait, dans les toilettes, si vous voulez. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprête, idha arada. Donc il a ajouté le terme arada, s'apprête à entrer. D'accord? Pour expliquer ce hadith-là. que finalement c'est pas lorsque le prophète sallam entre dans le lieu de retrait, là il dit cette invocation là. Normalement on ne doit pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans le lieu de retrait, dans le khala, dans les toilettes. D'accord? Donc comment expliquer ce hadith là? Là il l'appuie par le mu'allaq, par le hadith mu'allaq, dans lequel il dit إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلُ. Il met tout en bas une remarque qu'il y a un autre hadith qui explique que quand le prophète sallam s'apprête à entrer, non pas lorsque le prophète sallam entre dans les toilettes, dans le khala. Et bon, c'est vrai que cette version, ce hadith-là, le Bukhari rahimahullah n'a pas mentionné le début de son isnad, c'est ce qu'on appelle mu'allaq. Mais Ibn Hajar al-Asqalani a dit que le Bukhari lui-même a mis le hadith avec sa chaîne complète dans son autre livre, c'est l'Adab al-Mufrad. Il a d'autres livres, Cheikh al-Bukhari rahimahullah, dans son autre livre, l'Adab al-Mufrad. Et donc, ce hadith-là est authentique. Et donc, la bonne traduction, c'est qu'on doit dire que, selon Anas radiallahu anhu, il a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprête à entrer dans un lieu de retrait, il dit je demande protection près de toi contre al-khubth ou al-khaba'it, et non pas quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre dans un lieu de retrait, puisque l'invocation doit être faite à l'extérieur du lieu de retrait et non pas à l'intérieur du lieu de retrait. Donc là, il faut corriger, mettez ça entre parenthèses. Autre chose. Maintenant, cette invocation. Allahumma inni a'ouzu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. L'invocation dans ce hadith-là peut se dire de deux façons différentes. La première, Allahumma inni a'ouzu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Je te demande protection contre al-khubth et l'khaba'ith. Donc al-khubth signifie quoi? Signifie le mal, signifie tout ce qui nuit. Quand il s'agit de l'aqidah, il signifie la mécréance. Quand il s'agit de la nourriture, il signifie l'haram dans la nourriture. D'accord? Quand il s'agit de la parole, il signifie les mauvaises paroles, si vous voulez. Donc ça c'est l'khubth, donc le mal en général, tout ce qui nuit. Et l'khaba'ith, il signifie dans cette version les mauvais djinns. Shayatin al-djinn. Les mauvais djinns, les diables. D'accord? Donc, al-khubt, ça veut dire le mal, tout ce qui nuit, en général. Et al-khaba'ith signifie les mauvais djinns, les diables. Shayatin al-djinn. Et cette version est confirmée par la majorité des savants, comme a signalé Nawawi al-Khattabi et Cheikh al-Uthaymin dans Zad al-Mustaqna. Il dit, il vaut mieux dire Allahumma inni a'ouzu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. La deuxième, c'est Allahumma inni a'ouzu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Au lieu de khubth avec le sukun, khubthi avec la damma. Et il y a une différence. D'accord? Je demande protection contre al-khubut wal-khaba'ith, et non pas al-khubut. Al-khubut avec la damma. D'accord? Donc je prolonge. Khubut. Dans ce cas-là, c'est quoi le sens de ce dua? Al-khubut signifie le diable mal. Donc c'est un pluriel. Kitab, kutub. D'accord? Kitab, un livre, des livres. Kitab, kutub. D'accord. Donc c'est le pluriel des diables et le pluriel des diables mâles. C'est les diables mâles. Signifie les diables mâles. Et le khaba'is, ça veut dire, dans ce texte-là, c'est les diables femelles. D'accord. Si on dit Allahumma inni a'oudhu bika min al-khubuthi wal-khaba'is, ça veut dire je demande protection, je demande refuge auprès d'Allah contre les diables mâles et femelles. Donc par conséquent, on peut traduire le hadith de deux façons. C'est que je te demande de me protéger de toute impureté et de toute turpitude, et des êtres impurs et vils que sont les diables. D'accord? C'est, malheureusement, c'est une traduction d'Henri Laust et c'est la meilleure. C'est un orientaliste, il n'est pas musulman, mais c'est la meilleure. Et la deuxième traduction, la deuxième façon, c'est « Je te demande de me protéger des diables mâles et femelles. » Donc, corriger le hadith. Et ce hadith-là, il est également rapporté par Ibn Abi Shayba, volume 10 et la page 453. Et donc, la conduite à suivre avant d'entrer dans le khala, dans les toilettes, c'est cette invocation-là et dire aussi Bismillah. D'accord? Ça, on va en parler, Inch'Allah. Donc, ça, c'est l'invocation à faire. Allahumma inni a'udhuka min al-khubthi wal-khaba'i. Al-khubthi, c'est la version la plus célèbre. Je te demande de me protéger de toute impureté, de toute turpitude et des êtres impurs et vils que sont les diables. Dans l'explication de Sahih al-Bukhari, Fath al-Bari, Ibn Hajar al-Asqalani, lui-même l'auteur de ce livre-là, a dit al-Mu'ammari, il rapporte le hadith sous forme impérative comme suit. Si vous vous apprêtez à entrer dans le khala, dites Bismillah, je demande à Allah de me protéger de l'khubth et l'khaba'ith. Et ce hadith est également rapporté par Ibn Abi Shayba. Le volume 10, c'est la page 453. Donc, il y a une chose supplémentaire, c'est de dire Bismillah. Dans le hadith rapporté par Ibn Abi Shayba, c'est mentionné une chose en plus, c'est de dire Bismillah. Donc, Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Donc, c'est ça la conduite à suivre. Et il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de dire Bismillah, c'est le hadith de Satru ma bayna al-jinni wa awrati bani Adam idha dakhala ahadakum al-khala' ayyakoula Bismillah. Dire Bismillah avant d'entrer dans le lieu de retrait met un voile entre les djinns et la nudité des fils de Adam. Donc ça, c'est une preuve, c'est un hadith rapporté par Tirmidhi dans ses sunan, hadith numéro 606 et Ibn Majah, page 1, le volume 1, page 109, et il est qualifié d'authentique par Sheikh Albani, rahimahullah, voir son livre Sahih Ibn Majah, hadith numéro 3611, et voir Irwa al-Ghalil, volume 1, page 88 et page 89. D'accord? Donc, pour que la personne soit préservée, parce que les lieux de retrait, les lieux où il fait ses besoins, c'est les lieux où séjournent les diables. Et donc la personne doit se préserver et doit dire ses invocations, doit être assidue. Et ça, il faut être assidue, il faut conseiller vos frères de dire Bismillah et tout. Surtout que maintenant, bon, les toilettes se trouvent dans les maisons. Et en plus, avec maintenant l'eau chaude, il coule à flot, les gens ils prennent l'eau chaude et ils versent l'eau chaude dans les toilettes et tout. Donc avant d'entrer, ils doivent dire Bismillah. On ne sait jamais, ils touchent un diable et il se peut que le diable il se venge de cette personne-là. Et ça, c'est par expérience. Beaucoup ils sont touchés par le djinn à cause de ça, parce qu'ils versent l'eau chaude dans les lieux dans les toilettes. Et donc ils doivent toujours faire le dhikr. Faut toujours se rappeler qu'il faut dire Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Et quand on sort, on dit un autre zikr. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on continue la conduite à suivre lorsqu'on fait nos besoins. Wa subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayka.